This empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. Le groupe Green Day sur RGM, 8h38, on parle anniversaire, ils sont nés un 9 décembre et on fête aujourd'hui les 103 ans de Kirk Douglas. Et oui, il est né en 1916, l'acteur américain vu entre autres dans 20 milieux sous les mers, Ulysse, Liaison secrète, Spartacus où il est également producteur exécutif ou bien encore Paris brûle-t-il. 1934, naissance de Judi Dench, actrice britannique vue dans Le songe d'une nuit d'été dans le rôle de Titania, Chambre avec vue, Shakespeare in Love dans le rôle de la reine Elisabeth Ier, récompensée de l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, Les Chroniques de Riddick, Orgueil et Préjugés, Pirates des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence, mais certains la connaissent surtout pour avoir interprété le personnage de M dans plusieurs James Bond, hein, GoldenEye, Demain ne meurt jamais, Le monde ne suffit pas, Meurt un autre jour, Casino Royale, Quantum of Solace ou encore Skyfall. Mais 1941, naissance de Beau Bridges, acteur américain, vu dans la série télé Espion d'État dans le rôle de Tom Gage, Stargate SG-1 dans le rôle de Hank Landry des saisons 9 à 10, et dans la série FBI Duo très spécial dans le rôle de l'agent Kramer. 1945, naissance de Michael Nouri, acteur américain, connu pour son rôle du docteur Neil Roberts dans les saisons 1 à 4 de la série Newport Beach, son rôle d'Eli David dans NCIS Enquête spéciale, est vu également dans les séries Body of Proof ou encore Chicago Police Department. 1952, naissance de Michael Dorn, acteur américain, connu pour son rôle du lieutenant-commandant Worf dans Star Trek La Nouvelle Génération et Star Trek Deep Space Nine. 1953, naissance de John Malkovich, acteur américain, vu dans Les Liaisons Dangereuses dans le rôle du vicomte de Valmont, Des Souris et des Hommes, L'Homme au Masque de Fer dans le rôle d'Athos, Jeanne d'Arc dans le rôle de Charles VII, L'Échange ou encore Transformers 3. 1962, naissance de Felicity Huffman, actrice américaine, connue pour son rôle de Lynette Scavo dans la série Desperate Housewives. 1965, naissance d'Ariane Massenet, journaliste française. 1969, naissance de Bichente Lizarazu, ancien footballeur français, qui a joué de 1988 à 2006 à Bordeaux, à l'Athletic Bilbao, Bayern de Munich, à Marseille et de nouveau Bayern de Munich, champion du monde 98 et champion d'Europe 2000. 1972, naissance de Trey Cool, musicien américain, batteur du groupe Green Day. C'est également l'année de naissance de Reiko Ellsworth, actrice américaine, connue pour son rôle de Michelle Dessler dans la série 24 heures chrono, vue également dans les séries Stargate Universe, Hawaii 5-0 ou encore Scorpion. Et c'est aussi l'année de naissance de Fabrice Santoro, ancien joueur de tennis français, ayant fait carrière de 1989 à 2010. En simple, il a été 17e mondial, quart de finaliste à l'Open d'Australie, 8e de finaliste à Roland-Garros, 16e de finaliste à Wimbledon ainsi qu'à l'US Open. En double, il a été numéro 6 mondial. Il a remporté deux fois l'Open d'Australie, il a été une fois finaliste à Roland-Garros ainsi qu'à Wimbledon et demi-finaliste à l'US Open. Et il a remporté deux Coupes Davis, c'était en 1991 et en 2001. 1978, naissance de Gaston Gaudio, ancien joueur de tennis argentin, ayant fait carrière de 1996 à 2011, qui était numéro 5 mondial en 2005, qui a gagné une fois Roland-Garros, qui était 16e de finaliste à l'Open d'Australie ainsi qu'à l'US Open et 32e de finaliste à Wimbledon. La même année naissait Jesse Metcalf, acteur américain, connu pour son rôle de John Roland dans la série Desperate Housewives, son rôle de Luke Watson dans la série Chase et son rôle de Christopher Ewing dans Dallas, la nouvelle génération. 1981, naissance de Marty Fish, ancien joueur de tennis américain ayant fait carrière de 2000 à 2015, qui en simple a été numéro 7 mondial en 2011, quart de finaliste à l'Open d'Australie ainsi qu'à Wimbledon et à l'US Open, 16e de finaliste à Roland-Garros. En double, il a été 14e mondial en 2009, demi-finaliste à Wimbledon, quart de finaliste à l'Open d'Australie, 8e de finaliste à l'US Open et 16e de finaliste à Roland-Garros. Et aux Jeux Olympiques en simple, il a remporté une médaille d'argent et il a remporté également une Hopman Cup. Et on termine en 1994 avec la naissance de Camille Serre, Miss France 2015, mannequin et animatrice française. Et en parlant de Miss France, c'est bientôt l'élection, hein. C'est ce week-end d'ailleurs. Vaimalama Chavez va bientôt être remplacée et cette nuit, c'était l'élection de Miss Univers. Et c'est Maeva Cook qui représentait la France. Maeva Cook a terminé dans le top 10 et c'est Miss Afrique du Sud qui a remporté donc le titre de Miss Univers. Voilà pour la petite info. Allez, on va tout de suite marquer une nouvelle pause musicale et on va s'écouter Vita et Slimane qui interprètent le titre Avant toi. Pas d'image, y'avait pas de couleur, y'avait pas d'histoire, mon âme sort. Y'avait pas les fêtes, mais y'avait pas le cœur, aucun sourire, mon âme sort. Tu sais, le monde ne tournait pas rond, j'avais les mots, mais pas la chanson. Tu sais, l'amour, tu sais, la passion. Je n'avais rien chemin. Je sais le ciel ne m'en veut pas d'avoir posé les yeux sur toi. Avant toi, on m'a pas montré le chemin. Avant toi, Slimane et Vita sur le 107FM. Un peu plus de 8h47, on parle météo. La météo. Soyons clairs, c'est un temps à rester sous la couette. Pluie et vent au programme aujourd'hui. Des températures comprises entre 5 et 6 degrés ce matin, entre 6 et 7 degrés pour cet après-midi. Samedi, le retour des éclaircies avec des nuages. Des températures comprises entre 0 et 1 degré le matin, entre 4 et 5 degrés prévus pour mardi après-midi. Mercredi sera de nouveau une journée mitigée, des éclaircies et de la pluie. Des températures comprises entre 2 et 3 degrés le matin, entre 4 et 5 degrés prévus pour mercredi après-midi. Tout de suite, on fait un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Et on fait un point sur ce qui s'est passé ce week-end et on va commencer avec le handball féminin. Vendredi, la France dans le mondial affrontait le Danemark et malheureusement les Françaises se sont inclinées, signification d'élimination dès les tours préliminaires. Un mot de biathlon avec les relais de ce week-end à Östersund. Le relais messieurs a terminé à la deuxième place derrière la Norvège et devant l'Italie. Et le relais féminin, un petit peu dans le dur, a terminé à la sixième place. Ce relais a été remporté par la Norvège devant la Suisse et devant la Suède. Et il y avait également Coupe de France au saisi. Et à noter qu'Emilien Claude s'est imposé sur les deux courses de ce week-end. Un mot de basket avec la Pro B, la victoire de Nancy à Poitiers 83-88 et en National 1, victoire du Jet Vosges face à Chartres 92-82. On termine avec le football. Tout d'abord, la Coupe de France rend l'étape qui s'est imposée 6 buts à 2 face à Boulay. Épinal s'est imposé à Mulhouse sur le score de 3 à 2. Nancy s'est imposé à Vauban 3 à 1. Et en revanche, Thaon-les-Vosges s'est incliné sur l'île de la Réunion face au club de Saint-Pierre-Oise 2 buts à 1 après les tirs au but. Et en Ligue 1, eh bien, Lille s'est imposé 1 but à 0 face à Brest. Lyon s'est imposé 4 buts à 0 sur la pelouse de Nîmes. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 3 buts à 1 sur la pelouse de Montpellier. Monaco s'est imposé 3 buts à 0 face à Amiens. Metz s'est incliné à Nice sur le score de 4 à 1. Rennes s'est imposé 2 buts à 1 face à Angers. Strasbourg s'est imposé 4 buts à 2 face à Toulouse. Reims s'est imposé 3 buts à 1 face à Saint-Étienne. Nantes s'est imposé 1 but à 0 face à Dijon. Et enfin, Marseille continue sur sa série de victoires en s'imposant 3 buts à 1 hier soir face à Bordeaux. Voilà pour l'actualité sportive. On va parler d'un événement en région, c'est Journée Plaisir et Bien-être. Le 14 décembre de 10h à 23h, entrée libre et gratuite, une journée dédiée aux femmes. Les enfants sont les bienvenus. Des animations et ateliers créatifs sont prévus toute la journée.